tant de rêves d'enfants s'éveillaient en nous. C'était plus fort que tout, plus fort que l'envie, comme élève en dansant. On frôlait ta joue. Un peu surpris. On s'est regardé. Et j'ai failli. Te dire pardon. Soit accordé. C'était plus fort que nous, puisque